طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، on commence donc aujourd'hui le cours numéro 7 dans l'explication du livre Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on était en train d'expliquer le hadith numéro 7, qui est un hadith rapporté selon Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Et à la fin de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un dua. Il dit « Allahumma amdi li ashabi hijratahum, wa la taruddahum ala a'qabihim » لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه. Donc il a dit: Ô Allah, fais que mes compagnons continuent dans leur hijra et ne les fais pas retourner sur leurs talons, mais sinon le malheureux سعد بن خولة, le prophète صلى الله عليه وسلم a mentionné du fait qu'il était triste pour lui parce qu'il est mort à Mecca. Muttafaqun alayh. La raison de ça, c'est parce que les sahaba qui ont fait la hijra, c'était pas pour eux permis de rester à Mecca après la hijra, après que il y a eu la conquête. Pourquoi? Parce que eux, l'ordre de faire la hijra était une obligation spécifique. Tandis que ceux qui n'avaient pas fait la hijra avant la conquête, et qui n'étaient pas musulmans avant la conquête de Mecca, eh bien, c'est pas le même verdict pour eux. Maintenant, on va lire l'explication de ce sujet, justement, de Cheikh Ibn Uthaymin qui explique ça. Il dit: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم امضي لاصحابي هجرتهم سال الله ان يمضي لاصحابه هجرتهم وذلك بامرين الامر الاول ثباتهم على الايمان لانه اذا ثبت الانسان على الايمان ثبت على الهجره والامر الثاني ان لا يرجع احد منهم الى مكه بعد ان خرج منها مهاجرا الى الله ورسوله لأنك إذا خرجت من البلد مهاجرا إلى الله ورسوله فهو كالمال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله فلا يرجع فيه ومن ذلك. Donc ici le cheikh il explique un point, et en fait qu'est-ce qui s'applique aux sahaba dans ce sens-là, ça s'applique également à n'importe quelle autre personne qui aurait fait la hijra et qui aurait quitté un endroit pour Allah vers un autre endroit. Par exemple, s'il quitte un pays de kufr, il s'en va dans un pays musulman, il fait la hijra, eh bien, il n'a pas le droit de retourner de l'endroit où il était parti à la base. C'est-à-dire, si tu quittes par exemple ton pays, tu t'en vas faire la hijra, tu es dans un pays de kufr, tu t'en vas dans un pays musulman, tu n'as pas le droit de revenir dans le pays de kufr duquel tu es parti à la base. Pourquoi? Parce que ce pays-là, tu l'as abandonné pour Allah. Donc, une fois que tu as fait quelque chose comme ça pour Allah, tu n'as pas le droit de revenir sur ta décision et de retourner vivre de l'endroit d'où tu as fait ta hijra. Il dit, le cheikh, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah de lui faire continuer, de faire en sorte que ses compagnons, leur hijra, continue. Il dit ça signifie deux choses. La première, qu'il reste ferme sur la foi. Parce que lorsque quelqu'un est ferme sur sa foi, il va être ferme sur sa hijra. Et deuxièmement, que l'un d'entre eux ne retourne pas à Mecca après en avoir été sorti en tant que muhajir vers Allah et son messager. Il n'a pas le droit de retourner du pays duquel il a fait la hijra vers Allah et son messager, parce que c'est comme l'argent que tu as donné en sadaqa. Tu n'as pas le droit de revenir sur cette sadaqa. si tu as donné une sadaqa pour Allah, tu as fait un aumône pour Allah, tu n'as pas le droit de revenir sur cette sadaqa et de dire « Redonne-moi l'argent que j'ai donné en sadaqa. » Tu n'as pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que tu as donné pour Allah, tu ne peux pas le reprendre. Et la même chose aussi, ce que tu as laissé pour Allah, eh bien, tu ne peux pas y revenir. D'accord? Ensuite, le cheikh, il dit « Wa min dhalika ma yuwaffaq fihi kathir min an-nas min ikhraj at-televizyon min buyutihim tawbatan ila Allah wa ibti'adan anhu wa amma fihi min ash-shurur. فهؤلاء قالوا هل يمكن أن نعيد أن نعيده الآن إلى البيت؟ نقول لا. بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدوه لأن الإنسان إذا ترك شيئا لله وهجر شيئا لله فلا يعود فيه. ولهذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يمضي لأصحابه هجرتهم. Donc le cheikh, il explique, il dit, comme par exemple à ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le succès à beaucoup de gens de faire sortir la télévision de leur maison. Et ils ont fait sortir la télévision de leur maison en repentance à Allah. Et dans le but de s'écarter de la télévision et de tout ce qu'il y a dedans comme chose mauvaise. Donc il y a des gens comme ça, ils ont vu que la télévision, c'est quelque chose qui était néfaste, qui était mauvais, qui les faisait faire beaucoup de péchés, ou qui leur faisait faire perdre beaucoup de temps, ou qui les éloignait du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils ont pris la décision de se débarrasser de cette télévision pour Allah. Ils ont dit, bon, ils ont peut-être un amour pour cette télévision, ils aiment la télé, ils aiment regarder ça. Mais ils disent, yani, je vais m'en débarrasser pour Allah, et j'aime Allah plus que la télévision, alors je fais ce sacrifice-là de m'en débarrasser pour lui, et de le faire pour son agrément. Alors ils s'en débarrassent et ils la font sortir de chez eux. Et ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala et ils s'éloignent de ce mal. Alors si ceux-là reviennent, ils disent, est-ce que j'ai le droit de leur ramener la télé chez moi après? Parce que peut-être qu'après un certain temps, il a encore la tentation. Ou bien il a encore envie de la ramener et de faire rentrer la télévision chez lui encore une fois. Alors le cheikh, il dit non, t'as pas le droit. Une fois que tu l'as fait sortir pour Allah, tu ne dois pas la faire rentrer encore une fois, parce que l'être humain, lorsqu'il a laissé quelque chose pour Allah et qu'il l'a délaissé pour Allah, eh bien, il n'a pas le droit d'y retourner encore une fois. Et il dit, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, de faire en sorte que ses compagnons demeurent sur leur hijra et restent fermes sur leur hijra. Donc, ils n'avaient pas le droit, eux, de retourner à Mecca, même après la conquête de la Mecque, pour y rester. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quitté cette ville pour Allah. Et, yani, si je me souviens bien, ils n'avaient pas le droit de rester à Mecca plus que 3 jours. Après, ils devaient quitter encore une fois. Le cheikh, il dit ensuite, « Wa qawluhu wa la taruddahum ala aqabihim » أي لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان فيرتدون على أعقابهم لأن الكفر تأخر والإيمان تقدم وهذا على عكس ما يقوله الملحدون اليوم حيث يصفون الإسلام بالرجعية ويقولون إن التقدمية أن ينسلخ الإنسان من الإسلام وأن يكون علمانيا لا يفرق بين الإيمان والكفر والعياذ بالله ولا بين الفسوق والطاعة فالإيمان هو التقدم في الحقيقة والمتقدمون هم المؤمنون والتقدم يكون بالإيمان والردة تكون نكوصا على العقبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تردهم على أعقابهم. Donc le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne fasse pas revenir ses compagnons sur leur position, sur leur talon, c'est-à-dire de revenir sur leur foi. Donc ça signifie fais en sorte qu'ils ne reviennent pas sur leur foi pour apostasier et rejeter la foi et de retourner à la mécréance. Parce que en réalité, le cheikh, il dit, le kufr, c'est de revenir en arrière. Tandis que la foi, c'est d'aller en avant. Contrairement à ce que disent les athées aujourd'hui, qui décrivent l'islam comme étant un retour en arrière. Ils disent que l'islam, c'est rétrograde, ou la religion, c'est rétrograde. C'est quelque chose qui te fait reculer en arrière. Et ils disent que l'avancement ou l'évolution ou bien le modernisme, c'est de se débarrasser de la religion et de se débarrasser de l'islam et d'être laïque, d'être séculaire et de ne faire aucune distinction entre la mécréance et la foi, wal'iyadhu billah, ni entre la désobéissance et l'obéissance. Et donc, pour eux, hein, la foi, c'est le retour en arrière et le fait d'être rétrograde. Tandis que dans la réalité, la foi, c'est ce qui te fait avancer. C'est ce qui fait que tu es en avant. Et le kufr, c'est ce qui te ramène en arrière. Et ceux qui sont réellement donc en avance et ceux qui sont réellement modernes, évolués, ce sont les croyants. Ils sont évolués par leur foi et en avance par leur foi. Et l'apostasie, hein, le fait de renier la foi après avoir cru, eh bien, ça représente un retour sur ses talons. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, et fait en sorte qu'ils ne reviennent pas sur leurs talons. Et ensuite, le cheikh, il dit, « Wa fi hadha al-hadith fawa'id 'azima. فوائد عظيمة أو في هذا الحديث فوائد عظيمة كثيرة منها أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى لأنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في عيادة المرضى فوائد للعائد وفوائد للمعود. Le شيخ il dit que parmi les bienfaits qu'on peut tirer de ce hadith, il y en a plusieurs et des choses très importantes. Il dit parmi ces points bénéfiques, il y a la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de visiter les malades. Parce qu'il a visité Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, alors qu'il était malade à ce moment-là. Et dans le fait de visiter les malades, il y a des bienfaits pour la personne qui fait cette visite et pour la personne qui est visitée. Il dit wa amma al-a'id fa innahu yu'addi haqq akhihi al-muslim li'annahu min haqq akhika al-muslim an ta'udahu idha marid. Il dit, et parmi les bienfaits pour la personne qui rend visite au malade, il y a le fait qu'il fait son devoir. Hein, et il respecte un des droits que son frère a sur lui. Parce qu'il est un des droits de ton frère musulman qu'il te visite lorsque tu es malade. Il dit, « Wa minha anna l'insan. » Wa alaykum salam wa rahmatullah. « Wa minha anna l'insan. Iza aada al-marid. Fa innahu la yazalu fi makhrafatin. Hein, ou makhrafatil jannah. » يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود ومنها أن في ذلك تذكيرا للعائد بنعمة الله عليه بالصحة لأنه إذا رأى هذا المريض ورأى ما هو فيه من المرض ثم رجع إلى نفسه رأى ما فيها من الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية. Donc le cheikh, il explique, il dit qu'une personne, lorsqu'elle visite un malade, elle continue de récolter des fruits du paradis jusqu'à ce qu'il rentre, jusqu'à ce qu'il retourne chez lui. Et également parmi les bienfaits de la visite du malade aussi, il y a dans ça un rappel pour celui qui visite le malade de la grâce que Allah a fait sur lui, hein, ou de la grâce que Allah lui a donnée, du fait qu'il lui a donné la santé. Parce que lui, il est en bonne santé, il va visiter son frère qui est malade, donc il se rappelle de la grâce que Allah lui a fait, de lui avoir donné la bonne santé. Également, il dit, le cheikh, que lorsque tu vois la personne qui est malade, eh bien, tu réalises comment Allah subhanahu wa ta'ala t'a épargné de cette maladie-là et de la grandeur de la grâce que Allah t'a faite, du fait qu'il t'a fait être en bonne santé. Et on connaît une chose par son contraire. On apprécie une chose par son contraire. Donc, tu vas savoir la valeur de la grâce que Allah t'a faite en te donnant la santé lorsque tu vas voir des gens qui en ont été privés, qui ont été privés de cette santé-là. Hein? Et donc, beaucoup de gens, Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait des grâces, mais eux sont aveugles hein, vis-à-vis de ces grâces-là. C'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas à quel point Allah les a choyés, à quel point Allah subhanahu wa ta'ala a été généreux envers eux. Et donc, quelqu'un, par exemple, qui a un foie qui fonctionne bien, peut-être il ne va même pas réaliser qu'il a un foie. Alors que l'autre qui est malade, qui a un problème au foie, hein, son foie ne fonctionne pas bien, et là, il réalise, yani, subhanallah, imagine si moi, mon foie était malade, moi aussi. L'autre, ses reins ne fonctionnent pas. Le rein, c'est comme un appareil qui nettoie le sang dans ton corps, ça le purifie, ça le filtre. Ça filtre ton sang. T'imagines si tes reins ne fonctionnent pas bien? Eh bien, toi, tu ne réalises même pas ça. Parce que tes reins fonctionnent, tu ne penses même pas que tu as des reins. Mais le jour que tu rencontres une personne qui a un problème avec ses reins, et que chaque jour, il doit aller à l'hôpital, rester pendant plusieurs heures, se faire filtrer son sang dans une machine, alors là, tu réalises à quel point Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait la grâce de te donner des reins qui fonctionnent. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La même chose aussi avec le cœur, la même chose avec les poumons, la même chose avec les yeux, la même chose avec les oreilles, la même chose avec les mains, la même chose avec les jambes, tous les membres de ton corps, tous les organes. Tout ça, c'est des grâces que Allah t'a données. Mais tu es aveugle devant ces grâces-là. Pourquoi? Parce que tout est en bon état chez toi. Allah, il t'a fait une grâce immense, mais tu ne le réalises pas. Le fait de visiter celui qui est malade, eh bien, ça t'aide justement à augmenter ton appréciation et ton remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala et de reconnaître ses grâces sur toi. Le cheikh il dit ensuite: وَمِنْهَا أَنَّ فِيهَا جَلْبًا لِلْمَحَبَّةِ وَالْمَوَدَّةِ فَإِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا عَادَ الْمَرِيضِ صَارَتْ هَذِهِ الْعِيَادَةُ فِي قَلْبِ الْمَرِيضِ دَائِمًا عَلَى قَلْبِهِ يَتَذَكَّرَهَا وَكُلَّمَا ذَكَرَهَا أَحَبَّ الَّذِي يَعُودُهُ وهذا يظهر كثيرا فيما إذا برئ المريض وحصلت منه ملاقاة لك تجده يتشكر منك وتجد أن قلبه ينشرح بهذا الشيء. Le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que lorsque tu es allé visiter quelqu'un qui est malade, ça amène de l'amour dans son cœur pour toi. Ça met de l'amour dans le cœur de cette personne pour toi. Parce que tu l'as visité lorsqu'il était malade. Et donc cette visite que tu lui as faite, alors qu'il était malade, elle va rester pour toujours dans sa mémoire. Il va toujours se rappeler de cette visite-là. Et donc ça va devenir pour lui hein, une des choses qu'il aime. Et tu le remarques beaucoup lorsque la personne qui était malade, elle guérit de cette maladie-là et qu'elle rencontre cette personne. Après avoir été malade, elle la rencontre encore une fois et elle va avoir envie de la remercier, de l'avoir visitée pendant qu'elle était malade. Et son cœur va s'épanouir encore plus par rapport à cette chose. Et ça, c'est une chose que tout le monde se souvient. Il y a un exemple que je n'ai jamais oublié jusqu'à aujourd'hui d'un musulman quand j'étais plus jeune, au début quand j'étais converti. Et j'étais à la mosquée et j'avais de la fièvre et j'étais fatigué et j'étais malade. Et je me suis allongé dans la mosquée pour me reposer un peu. Et il y a un des frères qui était là-bas qui m'a vu. Il m'a recouvert avec un drap. Hein? Il est venu, il m'a recouvert avec un drap hein, pour que je n'aie pas froid. Cette image, à ce moment-là, ça m'avait tellement fait du bien. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais oublié ce geste que ce frère-là, il a eu envers moi. Et c'est quelque chose qui reste dans ma mémoire jusqu'à ma mort, Inch'Allah, de cet exemple-là. Et que Allah le récompense pour ce qu'il a fait pour moi. Et que Allah lui donne le même le paradis pour ça. Parce que c'est un geste qui est rempli de miséricorde et qui est rempli de bien pour un autre de ses frères. Jazakallahu khairan. Le cheikh, il dit ensuite, وأما المعود فإن له فيها فائدة أيضا لأنها تؤنسه وتشرح صدره ويزول عنه ما فيه من الهم والغم ومن المرض وربما يكون العائد متوفقا موفقا يذكره بالخير والتوبة والوصية إذا كان يريد أن يوصي بشيء عليه من الديون وغيرها فيكون في ذلك فائدة للمعود. Et donc le cheikh il dit également il y a un bienfait dans cette visite pour le malade et ce bienfait c'est pour la personne qui est visitée aussi. Et parmi les exemples des bienfaits pour celui qui est visité, eh bien c'est que yani justement ça va lui mettre de la yani de la paix dans son cœur. Ça va le calmer, ça va l'adoucir. Et également, ça va épanouir sa poitrine. Et ça va lui enlever un peu des tracas et des soucis. Hein, et du stress qu'il a, qui est causé par cette maladie-là. Et il dit que peut-être même que yani, ça peut l'amener, si la personne qui le visite est une personne de bien, il va lui faire un rappel à propos d'Allah, à propos de sa religion. Et si c'était une personne qui est malade, qui avait des négligences dans sa religion ou des péchés, il va lui rappeler l'importance de la repentance. Il va lui rappeler également de faire son testament, hein, s'il a quelque chose à faire comme testament, ou s'il a des dettes à régler, hein, de lui rappeler de ces choses-là. Et donc, il y a dans ça un grand bienfait pour la personne qui est visitée aussi. Et le cheikh il dit ولهذا قال العلماء ينبغي لمن عاد المريض ان ينفس له في اجله اي يفرحه يقول ما شاء الله انت اليوم في خير وما اشبهه ليس لازما ان يقول له انت طيب مثلا لانك قد يكون اليوم اشد مرضا من امس لكن يقول أنت اليوم في خير لأن المؤمن كل أمره خير إن أصابه ضرا فهو في خير وإن أصابه سرا فهو في خير والأجل محتوم إن كان هذا المرض أجله إن كان هذا المرض أجله مات وإن كان بقي له إن كان بقي له شيء من الدنيا بقي وينبغي أيضا أن يذكره التوبة لكن لا يقول ذلك بصفة مباشرة لأنه ربما ينزعج بهذا ويقول في نفسه لو أن مرضي غير خطير ما ذكرني بالتوبة ولكن يبدأ بذكر الآيات والأحاديث التي فيها الثناء على التائبين ويتذكر به المرض يتذكر به ما يتذكر به المريض وينبغي كذلك أن يذكره الوصية لا يقول له أوصي فإن أجلك قريب لو قال هذا انزعج بل مثلا يذكره بقصص واردة عليه. Donc ça, c'est un point important ici que le cheikh a mentionné, de la sagesse. Et en même temps, tu vois en même temps la sagesse du cheikh. Hein? Comment il explique les choses. Et regardez comment il explique. Il dit que yani, la mort de quelqu'un... non, avant ça, il dit que la personne qui visite le malade, il doit yani, alléger un peu son état, dans le sens qu'il va lui dire des choses qui vont le faire se sentir mieux, hein, et qui vont le réjouir. Donc il va dire, « Masha'Allah, anta al-yom fi khayr. Masha'Allah, aujourd'hui, t'es bien. Hein? T'as l'air bien. » Ou bien sinon, « Aujourd'hui, tu es dans le bien. » Ou des choses semblables. Et il dit, c'est pas obligé de dire « Aujourd'hui, tu es bien », justement, parce que peut-être que le jour d'avant, il était moins malade que le jour dans lequel toi, tu viens le visiter. Peut-être que hier, c'était moins grave. Donc, peut-être que sa situation s'est empirée. Et toi, tu arrives, puis tu dis, « Ah, aujourd'hui, tu es bien. » Alors que hier, il était mieux. Donc, il dit, au lieu de dire « Aujourd'hui, tu es bien », tu dis, « Aujourd'hui, tu es dans le bien. » Yani, tu es dans le bien, même, ça veut dire que même si hier, t'étais mieux, peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est toujours un bien pour toi. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que peu importe qu'est-ce qui arrive au croyant, c'est toujours un bien pour lui. S'il est touché par un mal, c'est un bien, parce qu'il va être patient. Et s'il est touché par un bien, c'est un bien pour lui parce que, yani, il va être reconnaissant envers Allah. Et il dit que la fin d'une personne, c'est-à-dire la mort, c'est quelque chose qui est certain. C'est certain. La mort, tu ne peux pas t'en échapper. Donc, si cette maladie, c'est la fin pour lui, c'est son terme, alors il va mourir. Et il dit, s'il lui reste encore des jours de la dunya, alors il va rester encore en vie après. Mais il dit, il faut que tu lui rappelles de la repentance. Mais regardez la sagesse du cheikh, comment il explique ça. Il dit, tu vas lui rappeler de l'importance de la repentance, mais pas de façon directe. Parce que si tu lui dis directement, mon frère, je te conseille de te repentir, repens-toi à Allah, parce que peut-être que tu vas mourir, il ne va pas aimer ça. Peut-être que ça va le déranger. Hein? Il va dire, oh, ma maladie est dangereuse. Ça veut dire qu'il me rappelle de la repentance, ça veut dire que je vais mourir. Donc le cheikh, il dit, mais tu lui mentionnes d'une façon indirecte. Comme si, par exemple, tu vas lui citer des hadiths, tu vas lui citer des versets qui parlent de ceux qui se sont repentis. Tu mentionnes des choses qui ont rapport avec les règles de la religion par rapport à ces choses-là, mais indirectement. De même que le testament, c'est important aussi. Lorsque quelqu'un il est malade, il ne sait pas s'il va se sortir de cette maladie-là. Et ça, c'est des choses importantes, malgré qu'à notre époque, maintenant, surtout en ce qui concerne le virus qui affecte beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui, on n'a peut-être pas toujours l'occasion justement de visiter les malades. Parce qu'à cause de toutes les restrictions sanitaires qui sont imposées, il y a des gens même qui sont morts tout seuls dans des hôpitaux. Et leurs proches n'avaient même pas le droit de venir les visiter. Et ils ont parfois, dans certains pays, ils étaient juste brûlés directement, ils ne pouvaient même pas les enterrer. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça pour dire, yani, si on a l'occasion de pouvoir visiter les malades, de pouvoir leur faire des rappels bénéfiques pour eux, ça c'est quelque chose qui est très très important. Et donc il dit, tu lui rappelles de l'importance de faire un testament. Le musulman, en principe, il devrait toujours faire son testament. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Et dans son testament, il écrit qu'est-ce qu'il a comme dette à payer pour des gens, des engagements ou des droits ou des vœux pieux qu'il a faits et qui ne sont pas encore exécutés ou exaucés, et ainsi de suite. Il mentionne également s'il a des choses qu'il veut donner à certaines personnes. Il le mentionne dedans également. D'accord? Donc tout ça, ça fait partie des choses qui sont bien de le rappeler à la personne malade. Mais tu ne vas pas lui dire ça de façon directe encore une fois. Parce que si tu lui dis ça directement, ça pourrait encore une fois le déranger. Hein? C'est comme si tu lui rappelles qu'il va mourir. Il ne va pas aimer ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, le cheikh, tu lui racontes une histoire qui a été mentionnée à ce sujet-là. Hein? Quelque chose qui parle de ça indirectement et qui va lui faire un rappel. Après, le cheikh, il dit, قال أهل العلم وينبغي أيضا إذا رأى منه تشوفا إلى ما إلى أن يقرأ عليه فليقرأ عليه ينفث عليه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما ومثل قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين اغفر لنا حبنا وخطايانا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ أو يقرأ عليه بسورة الفاتحة لأن سورة الفاتحة رقية يقرأ بها على المرضى وعلى الذين لدغتهم العقرب أو الحية وما أشبه ذلك المهم أنه إذا رأى من المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه لأن لا يلجئه إلى طلب القراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت مع أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وقوله لا يسترقون أي لا يطلبون أحدا يقرأ عليهم أوكي الشيخ يلكسبليك كو Les hommes de science ont dit, si tu vois quelqu'un et tu ressens de lui qu'il a envie que tu récites sur lui le Coran, que tu lui fasses la ruqya, alors dans ce cas-là, fais-lui la ruqya avec ce qui a été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dua et invocation. Et donc, il a cité certains exemples des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam par lesquelles il faisait la ruqya. Oh Allah, fais partir la maladie, guéris, c'est toi le guérisseur. Il n'y a pas de guérison excepté ta guérison. Une guérison qui ne laisse aucune maladie. Et également les autres du'as qu'il a mentionnés dans ce sens-là. Il dit qu'il peut également aussi réciter surat al-Fatiha. Parce que la surat al-Fatiha, c'est une ruqya. Hein? C'est une ruqya. Et tu la récites sur le malade ou ceux qui ont été mordus par un scorpion ou un serpent ou des bêtes comme ça. Des bêtes venimeuses. Et, yani, donc tout ça, c'est des choses bénéfiques. Et donc, ça veut dire que si tu vois que tu ressens que le malade, il aimerait que tu lui fasses la ruqya, eh bien, fais-lui la ruqya sans qu'il te le demande. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith à propos des gens qui sont 70 000 qui vont rentrer dans le paradis sans jugement ni châtiment. Et il a dit, parmi ceux qui font partie de cette catégorie, des 70 000, il a mentionné ceux qui ne demandent pas la ruqya. La yastarqoun. C'est-à-dire, ils ne demandent pas à quelqu'un de leur réciter ou de leur faire la ruqya. Donc ça veut dire que tu lui donnes pas l'occasion de... la peine de poser la question, de demander la ruqya, mais tu lui fais directement pour qu'il n'ait justement pas besoin de demander, pour qu'il puisse justement faire partie de ces 70 000, incha'Allah. Et après, le cheikh, il dit, وَكَذَلِكَ أَيْضًا إِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الْمَرِيدُ يُحِبُّ أَن تُطِيلَ الْمَقَامِ عِنْدَهُ فَأَطِلِ الْمَقَامِ فَأَنْتَ عَلَى خَيْرٍ وَعَلَى أَجْرٍ يعني أَطِلِ الْمَقَامِ عِنْدَهُ وَأَدْخِلْ عَلَيْهِ السُّرُورِ وربما يكون في دخول السرور على قلبه سببا لشفائه لأن سرور المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء فأطل الجلوس عنده حتى تعرف أنه قد مل أما إذا رأيت أن المريض متكلف لا يحب أنك تبقى أو يحب أن تذهب عنه لكي يبقى مع أهله ويأنس بهم، فلا تتأخر واسأل عن حاله ثم انصرف. Donc il dit, le cheikh également, il dit, si tu vois que le malade, il aime que tu restes et il insiste pour que tu restes, alors reste avec lui et tu auras du bien et tu as la récompense. Et par le fait justement de rester plus longtemps, quand tu vois que ça lui donne de la joie dans son cœur, eh bien, c'est possible qu'à cause de ce, justement qu'il est heureux et que ça lui cause de la joie, que ce soit une cause pour sa guérison. Parce qu'il y a toujours un lien entre l'état physique et l'état psychologique de quelqu'un. Il y a une relation entre les deux, entre l'état de l'âme et l'état du corps. Le fait que la personne soit contente et de bonne humeur, ça peut faciliter sa guérison. Hein? Ça peut être une cause pour faciliter sa guérison par la permission d'Allah. Ensuite, le cheikh, il dit, donc, si tu vois que la personne, elle aime que tu restes, ça fait en sorte que sa poitrine s'expand parce qu'il est heureux, il est content. Donc ça, c'est parmi les meilleures causes de la guérison. Alors dans ce cas-là, reste avec lui jusqu'à ce que tu réalises qu'il est fatigué ou il s'ennuie, hein, il est ennuyé par ta présence ou des choses de ce genre. Sauf que si tu vois par exemple que la personne elle est un peu embarrassée par ta présence ou que tu le gênes parce qu'il y a sa famille, il veut être avec sa famille, il veut rester avec eux, alors dans ce cas-là, ne reste pas trop longtemps. Tu viens, tu lui demandes à propos de sa situation, son état, comment il va, et tu fais des doigts pour lui et tu pars. Tu restes pas trop longtemps. Parce qu'il y a des gens comme ça, malheureusement, ils voient que la personne est fatiguée, malade, et ils prolongent leur présence là-bas, et ils fatiguent la personne. Surtout si la personne a beaucoup de visites. Naam. Après, le cheikh, il dit... Naam. Après, le cheikh, il dit, « Fafi hadithi Sa'd ibn Abi Waqqas, mashru'iyatu iyadat al-marid. » Donc, dans ce hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, il y a le fait qu'il est légiféré de visiter le malade. Il dit, « Wa min fawaidihi husnu khuluqin nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa la shakka anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, ahsana nasi khuluqan. » لأن الله قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فأعظم الناس خلقا وأحسن الناس خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ولهذا كان يعود أصحابه ويزورهم ويسلم عليهم حتى إنه يمر بالصبيان الصغار فيسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه. Le cheikh dit, parmi les bienfaits de ce hadith, il y a de montrer le bon comportement du prophète صلى الله عليه وسلم et le fait qu'il n'y a pas de doute qu'il avait les meilleures manières et le meilleur comportement. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans le Coran, dans Surat Al-Qalam, et tu es certes sur un comportement immense. Hein? Et il dit donc le plus grand, la personne qui a le meilleur de tous les hommes dans son comportement, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a le meilleur comportement, les meilleures manières. Et il dit, et c'est pour ça qu'il visitait ses compagnons, il leur passait le salam. Et même des fois, quand il passait dans la rue, s'il voyait des enfants, il leur passe le salam aussi. Hein? Même les enfants, il leur donne leurs droits et leur importance. Hein? Il ne va pas dire, ah, ça c'est des enfants, Yanni, je n'ai pas besoin de me fatiguer à donner le salam. Non, même des enfants, il est tellement modeste qu'il leur donne le salam à eux aussi. Donc ça, c'est des exemples de son comportement noble. Ensuite, le cheikh, il dit, وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِنسَانِ مُشَاوَرَةَ أَهْلِ الْعِلْمِ لِأَنَّ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَشَارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَمَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا الحديث وفيه استشارة أهل العلم والرأي كل إنسان بحسبه فمثلا إذا كنت تريد أن تقدم على شيء من أمور الدين فشاور أهل العلم لأنهم أعلم بأمور الدين من غيرهم إذا أردت أن تشتري بيتا فشاور أصحاب المكاتب العقارية إذا أردت أن تشتري سيارة فاستشر المهندسين في الميكانيكية السيارات وهكذا. Le cheikh il dit, et également parmi les bienfaits qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que l'être humain doit, ou la personne doit toujours prendre le conseil et consulter les gens de science. Selon le domaine ou le sujet dans lequel ils ont besoin. Donc il dit ici par exemple, Sa'd ibn Abi Waqqas a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le conseil comment il devait gérer son argent par rapport à l'héritage. Il a dit, ô messager d'Allah, moi j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup de richesses. Et je n'ai personne qui va hériter de moi, excepté une jeune fille. Pourquoi Sa'd ibn Abi Waqqas, il demande ça ou il dit ça? C'est parce qu'il pensait qu'il allait mourir de cette maladie-là quand il était à Mecca. Et on sait très bien par rapport à justement ce qui s'est passé par la suite dans l'histoire que Sa'd n'est pas mort de cette maladie-là. Au contraire, il a vécu bien longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même qu'il a fait partie des grands parmi les sahaba par la suite qui ont fait l'expansion de la da'wa de l'islam et des terres de l'islam. Il a même combattu contre les Perses et il a participé même à la bataille de la grande bataille contre l'Empire perse à l'époque qu'on appelle Al-Qadisiyya. C'était une grande bataille qui a eu lieu entre les musulmans et les Perses. Et il a été justement le général en chef de l'armée dans cette bataille-là. Et il a justement conquis la Perse. Donc c'est lui qui a été le conquérant de la Perse à l'époque. Non, c'était des Majus. Des Majus, oui, des Zoroastriens. Donc, le cheikh, il dit qu'il a posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai juste une fille, est-ce que je ne devrais pas donner deux tiers de mon bien en sadaqa? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit non. En voulant dire non, deux tiers, c'est trop. Il lui a dit ensuite, donc c'est mieux de laisser tes enfants dans la richesse que de les laisser dans la pauvreté, ils vont tendre la main aux gens, demander de l'argent aux gens. Et le cheikh, il dit que dans ça, il y a, parmi les bienfaits qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que on devrait toujours demander le conseil aux hommes de science et aux gens qui ont une bonne opinion par rapport à un sujet quelconque. C'est-à-dire qu'ils ont de l'expertise dans un domaine. Il dit, et chaque personne selon ce qu'il a de besoin. Par exemple, si toi tu veux, apprendre quelque chose à propos de la religion, ou faire quelque chose qui est relié à la religion, alors dans ce cas-là, demande conseil aux hommes de science. Parce qu'ils ont plus de connaissances à propos de la religion que les autres. Et si tu veux acheter quelque chose, comme une maison, par exemple. Alors, dans ce cas-là, à qui tu vas demander conseil? Tu vas demander conseil aux spécialistes en immobilier pour qu'ils t'orientent vers la meilleure chose par rapport à l'achat de cette maison-là. Si tu veux acheter une voiture, eh bien, tu vas consulter un mécanicien, quelqu'un qui connaît bien les voitures pour t'orienter à choisir justement la voiture qui va être la plus avantageuse pour toi et qui n'a pas de défaut, de problème mécanique. Et ainsi de suite. Donc, c'est la même chose. Dans les autres domaines, c'est la même chose. Ensuite, le cheikh, il dit, « وَلِهَذَا يُقَالْ مَا خَابَ مَنْ اسْتَخَارْ مَا خَابَ مَنْ اسْتَخَارْ وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارْ وَالْإِنسَانْ بِلَا شَكْ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكْمِلَ نَفْسَهُ أَوْ يُكَمِّلَ نَفْسَهُ من ادعى الكمال لنفسه فهو الناقص بل لا بد أن يراجع خصوصا في الأمور الهامة التي تتعلق بمسائل الأمة فإن الإنسان قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء هو في نفسه حق ولا بأس به ولكن التحدث عنه قد يكون غير طيب إما في الزمان أو في المكان أو في الحال ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة فقال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه. Donc il dit le cheikh, après il dit ومن أجل أن يتمكن الناس من دخول بيت الله عز وجل ولكن ترك ذلك خوفا خوف الفتنة مع كونه مصلحة. Le cheikh il explique, il dit, il y a un dicton en arabe qui dit, c'est pas un hadith mais c'est une parole, un dicton, un proverbe. Ça dit « Ma khaba man istakhar wa la nadima man istashar ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Celui qui fait l'istikhara, quand il a un choix à faire entre deux choses et qu'il a un dilemme, et il ne sait pas laquelle des deux est meilleure pour lui, il fait l'istikhara, le dua de l'istikhara, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'orienter dans son choix. Donc celui qui fait l'istikhara, il ne va jamais être perdant. Et il dit « Wa la nadima » Manistachar, et celui qui demande conseil et qui consulte les autres quand il a une décision à prendre dans quelque chose, il demande à des spécialistes ou à des gens qui savent et qui connaissent bien, il leur demande leur conseil, il ne va jamais avoir de remords. Voilà Nadima Manistachar. Donc il dit l'être humain, il n'y a pas de doute qu'il ne doit pas se croire parfait. Quelqu'un ne doit pas se croire parfait. Et celui qui se prétend parfait, eh bien, c'est lui qui est imparfait en réalité. Donc, il doit se revoir, faire une revision de sa personne, se faire des comptes à lui-même, en particulier dans les choses qui sont importantes et qui sont reliées aux questions qui touchent la Ummah. Il dit parce qu'une personne, il peut être parfois poussé par l'émotion, le hamas, il est excité, il est émotif. Et ça l'amène à faire des choses. Lui, il voit que c'est vrai ou que c'est bon, alors qu'en réalité, ça amène des choses qui ne sont pas bonnes. Soit par rapport au moment ou au temps, soit par rapport au lieu, ou soit par rapport à la situation. D'accord? Donc, il ne faut pas que tu te laisses aller par tes émotions ou ton sentiment ou le fait que tu es motivé, excité par quelque chose. Tu dis, ah oui, il faut faire ça, il faut dire ça, il faut faire ça. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que ce n'est pas la bonne place. Peut-être que ce n'est pas la bonne situation. Et donc, il dit, par exemple, à ce sujet-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas reconstruit la Kaaba lorsqu'il a conquis la Mecque, lorsqu'il a repris la Mecque. Il n'a pas détruit la Kaaba pour la reconstruire selon les fondements de Ibrahim. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur de faire la fitna avec ça. Et il a dit à Aïcha, radiallahu anha, comme c'est rapporté par l'imam muslim, si ton peuple, en parlant de Quraysh, n'était pas nouveau, c'est-à-dire s'il ne venait pas juste de quitter la mécréance, et qu'il ne venait pas juste de se convertir à l'islam, eh bien, j'aurais fait reconstruire la Kaaba selon les fondements d'Abraham. et j'aurais fait deux portes, une pour rentrer et une pour sortir. Mais il a laissé cette idée. Il ne l'a pas reconstruit. Pourquoi? Pour éviter la fitna. Pour éviter la fitna. Parce que la base, à la base de, si vous regardez la Kaaba à Mecca, vous voyez qu'il y a la maison qui est au centre, la Kaaba qui est forme cubique, hein, et juste en arrière, il y a un demi-cercle. Hein. Eh bien, en réalité, ce demi-cercle-là, c'est un des murs de la Kaaba à la base, comment Ibrahim l'avait construite. Mais Quraysh, il ne l'avait pas reconstruit selon les fondements de Ibrahim alayhi salam. Ils l'ont reconstruit de cette façon-là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a dit, si le peuple n'était pas nouveau dans l'islam, ils n'étaient pas juste, ils venaient pas juste de quitter la mécréance, j'aurais détruit la Kaaba pour la reconstruire selon les fondements d'Abraham. Et donc, les ulama, ils ont dit que, par exemple, à partir de ce hadith et beaucoup d'autres hadiths et beaucoup de versets aussi, ça fait partie même des principes et des règles fondamentales de l'islam. Que si tu vois qu'il y a un bienfait que tu veux faire, mais qu'en faisant ce bienfait-là ou cette bonne chose, ça risque de créer un mal plus grand, alors tu dois laisser ce bien pour éviter de faire un plus grand mal. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Yani, laisser la Kaaba telle qu'elle est, ou bien la reconstruire comme il faut, mais tu risques de faire en sorte que les Arabes retournent à la mécréance et que ça crée de la fitna. Donc, tu laisses la Kaaba comme ça. Hein? Et au moins, les gens ils vont préserver leur religion. Et le cheikh, il a donné un autre exemple aussi. L'exemple d'insulter les idoles des mouchriquins. Allah nous a interdit d'insulter leurs idoles, alors qu'elles méritent d'être insultées. Mais on n'a pas le droit de les insulter parce qu'en retour, ces gens-là, par rapport à leur ignorance, ils risquent d'insulter Allah. Donc, pour éviter qu'ils insultent Allah, ce qui est extrêmement grave, eh bien, on délaisse le fait d'insulter leurs idoles, ce qui est obligatoire à la base. D'accord? Donc, ça, c'est un autre exemple. On ne va pas le continuer. On va le laisser pour la prochaine fois, Inch'Allah. Et on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته